Ah ouais. Et puis je connais encore les gens d'elle. Au cas ça, c'est le centre africain. Centre africain, je connais très bien l'Afrique. All right. All right, ça, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, yo. Vous avez 15 minutes et bidon, de bidon, de bidon. Vous avez 15 minutes. Vous êtes fatigué? Non! Vous êtes fatigué? Non! All right, ça coule. Yeah. Tu veux bien activer la danse, bidon, de bidon, please? Bien sûr. Alors, tu peux déjà commencer. All right. Eh bien, citoyen, hey, hein? Je crois que maintenant, c'est le moment où nous pouvons exhiber la danse et bidon, de bidon. Je crois que vous pouvez sauter tous. Celui qui va sauter plus aura du droit de sauter. Come on! Arrête! Une sexy majesty! Yeah. Arrête! Sexy majesty! Sexy my chessy, you know, sex. Hey-ya! Sex. Yes, yes, yes. Sex. Yeah. Sex. Sex. Come on, baby. Sex. Sex. No, no, no, no. Sex. Hey-ya, for a chessy. Sex. fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce qu'on peut continuer? Merci. Encore 10 minutes avec la voix du Taï. Vous êtes fatigué? Non. Alors danse un peu. Vous pouvez sauter alors pour le moment. Est-ce que les amis de Brazzaville, vous m'entendez? Non. Est-ce que Toubi, vous m'entendez? Non. Alors, je vous remercie. Maintenant nous sommes à Kinshasa. Est-ce que les amis de Kinshasa, vous êtes fatigués? Non.